Les bleuets fortins du 555 Deakin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Chez Dolbeau Auto, pendant le Festival du Bleuet, on vous offre le Silverado 1500, cabine multiple, 0% de financement pendant 72 mois, plus 5 000 $ de crédit, incluant 1 500 $ pour le propriétaire actuel du camion, ou le Colorado, 1,99% financement à l'achat pendant 60 mois, plus 1 250 $ de crédit et un spécial s'ajoute pour tous les membres Costco. Le propriétaire Stéphane Fortin désire souhaiter un bon Festival du Bleuet et invite toute la population à participer aux différentes activités. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau Bistassini, 276-0580. On va parler de nage en eau libre. C'était la traversée internationale du lac Saint-Jean en fin de semaine, la 65e traversée internationale du lac Saint-Jean. On en parle avec Marc-André Leclerc. Salut Marc-André. Oui, bon matin. Marc-André, c'était la 65e traversée. Puis au fil des années, des dernières années, je m'en rappelle, ça avait été quasiment au photo finish, quasiment, je me rappelle, au moins 2-3 fois. Puis cette année, ça n'a pas été le cas. C'est une des avances les plus faciles que Marcel Schouten a gagné. Oui, effectivement, Marcel Schouten des Pays-Bas remportant 7h13min31s. Et tu as raison, Danny, de dire que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Une avance de près de 10 minutes sur la deuxième position de l'Australien Chris Degen. Donc, c'est une course... ça fait du bien aussi. Moi, j'ai le bonheur de travailler avec les gens de Planète 99.5 comme analyste. Et ça faisait quelques années qu'on avait une compétition qui était sensiblement la même. Et là, c'est fait une course un peu différente. Et on a senti très tôt dans la compétition, Danny, que Schouten des Pays-Bas était supérieur là, au reste du groupe. Là. Donc okay. ça, on a vraiment vu une grosse différence. Et Schouten nageait avec le peloton, avec le pack. Et à un moment donné, il s'est reviré, puis il les a regardés, puis il a dit, ben là, qu'est-ce que vous faites, là, t'sais? Et là, on a senti là, qu'il était un peu il était un peu tanné là, de la vitesse, de la cadence. C'est une cadence plutôt lente. Hein? Mm. Parce que dès le départ, on l'a vu avec les repères. Là, et ils sont sortis de la rivière Péribonka peut-être une dizaine de minutes de plus lent que les années précédentes. Là. Fait que c'est pas une course qui est extrêmement vite au départ. Et Schouten cette année, puis il est parti. Puis d'autres nageurs ont essayé de le suivre. Ça a fait un bout de temps, mais par la suite, il est parti. Puis il a creusé un écart, 50, 100, 200 mètres pour finir avec 10 minutes. Là, on est prêt à 600, 700 mètres d'avance là, sur la deuxième position. Est-ce que tu dirais, c'est dur, tu peux pas comparer ça avec les années passées, mais parce que c'est tellement différent. Mais est-ce que le plateau était un des moins relevés? Je te parle en termes de talent et en termes de compétitivité des dernières années. Oui, effectivement. On n'avait malheureusement pas Robert Val la crème de la crème. Et bon, il y avait plusieurs bons absents qui étaient là. Le seul nageur qui a fait le 25 km au championnat du monde est Veni Popasev, qui a fini 5e à Robert Val, qui avait fini 13e au championnat du monde. Donc on n'avait pas vraiment là de on n'avait pas les gens. Habituellement au lac Saint-Jean, on avait toujours des dans le top 5 des nageurs sur 25 km au mondiaux. Là, on n'en avait aucun. C'est sûr qu'il y a une question de calendrier, mais c'est une question que les gens de la traversée vont devoir se poser. Ah oui, c'était ça ma prochaine question. C'est-tu un problème? Je veux pas être alarmiste. Je pense pas que c'est un problème sur une année. Il faudra voir la tangente des prochaines années. Et cette année à Robertval, les gens qui étaient là, on sentait là, que c'était pas les meilleurs. Et on peut pas dire qu'on avait la meilleure brochette. Il y aurait pu avoir d'autres athlètes plus rapide dans les eaux du lac Saint-Jean. Est-ce que, puis là, l'année prochaine, c'est une année olympique en plus de ça? Oui, l'an prochain, c'est une année olympique, sauf que lors des années olympiques, comme on sait, Danny, c'est seulement le 10 km, fait qu'il reste tous les nageurs de 25 km qui sont disponibles. Faudra voir le calendrier. Cette année, il y avait les mondiaux quelques jours avant la traversée du côté de l'Asie, fait que c'est sûr, c'est pas proche. À partir de ce moment-là, il faudra voir, mais il y aura sans doute des efforts et je suis convaincu que la traversée va mettre les efforts au courant de l'automne pour aller chercher d'identifier certains athlètes. Je pense de prendre les résultats des championnats du monde, puis peut-être d'identifier le top 10, puis parler avec eux, voir est-ce que ces gens-là vont faire les Jeux olympiques. S'ils ne font pas les Jeux olympiques, à partir de ce moment-là, comment on peut aller les les recruter, comment on peut les inciter à venir à Robertval l'an prochain pour la 70e traverse. Parce que tu avais quand même des gars comme Damien Blum n'était pas premier, c'est un vétéran, t'en as d'autres également, mais c'était vraiment mais Blum est un vétéran, c'est pas nécessairement la crème pareille. Non, Blum c'est un vétéran, c'est un gars qui est toujours quand même bien performé au lac Saint-Jean. C'est un bon nageur à avoir dans le groupe. C'est un gars qui a un attachement envers la traversée, mais ça aurait pris d'autres athlètes aussi. Je veux dire, on peut. Damien Blum, c'est une chose de l'avoir. Je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens à Robertval qui le connaissent. Mais à partir de ce moment-là, ça peut pas être juste lui. Oui, c'est sûr. Parle-moi de Samuel Matt, qui était le seul Québécois. Oui, Samuel Matt, un petit gars de Québec, s'entraîne avec le Rougeur à l'Université Laval. On sait que le Rougeur a toujours fourni d'excellents athlètes au fil des années. Et pour lui, c'était une première traversée, mais également une dernière. Donc, il finissait sa carrière en tant que nageur au libre, en piscine avec la traversée. Et il a quand même fait, des moves intéressants durant la compétition, où il a figuré en quatrième position. Il a presque réussi à revenir avec la tête à un certain moment donné. Malheureusement, Shooton est allé trop vite pour lui, puis il a fini malheureusement en huitième position. Lorsque j'ai parlé avec Samuel après la course, il n'avait pas encore réussi à analyser si le fait cette poussée d'accélération qu'il a donnée après 10 km, environ 10-12 km, est-ce que ça lui a nuit et s'est fait rattraper là par Stokino, Blum et Popasev. Donc il était très content. Malheureusement, je pense qu'il a appris beaucoup de cette course-là, mais malheureusement, on ne le verra pas l'an prochain, il ne sera pas de retour. Est-ce que Alexandre Petitguet, qui est de Mastouillache, c'est une expérience? Je vais essayer d'y parler cette semaine. C'est une belle expérience pour elle, même si elle a abandonné au 16e kilomètre. Ben, c'est certain que probablement que ce matin, là, à 48 heures de la course, peut-être qu'elle ne voit pas ça positivement pour elle. Je pense que les jours et les mois vont passer, puis ça va lui permettre de prendre ça de plus en plus positif, de voir qu'elle a... moi, j'étais là, on était en reportage tout près d'elle lorsqu'elle a décidé de se retirer de la course. C'est des images, c'est des moments qui sont durs à vivre, parce que c'est pas évident quand même. On savait pour elle que c'était une déception. Je pense qu'elle va pouvoir en tirer, là, c'est sans doute, là, elle a nagé là, environ là, peut-être 4 heures environ de course. Pour elle, elle va voir là... Elle va en retirer le positif là, dans les prochains mois et sans doute revenir plus fort l'an prochain. Je pense que maintenant, tu sais quoi, la traversée, elle a connu, elle disait en entrevue qu'elle avait connu des pépins, était un peu mal devant de tout ça. Fait qu'il faut juste qu'elle prenne, elle va prendre en âge, elle va prendre en expérience. La traversée, c'est important. Je crois également, elle disait... Avant la course, elle disait qu'elle ne sentait pas la pression d'être la première représentante de la communauté de Mastouillache. Après la course, elle disait qu'elle le sentit une fois rendue dans l'eau. Je pense que l'an prochain, pour elle, ça va être important de se concentrer sur la traversée. Et des fois, c'est pour l'avoir vécu, pour étant originaire de Robertval, lorsque j'ai fait la première traversée, on se laisse un peu des fois déconcentrer par les médias, les alentours, la pression familiale. Mais je ne veux pas dire la pression familiale, mais l'excitation plutôt de nos proches, hein, de nos amis, l'attention qui est sur nous. Fait que l'an prochain, ce ne sera pas sa première participation, ce sera une deuxième participation. Fait que cet effet-là nouveau de la fille de Mastouillache, première représentante de la communauté, une communauté qui est très attachée à la traversée. Fait que je pense que la prochaine fois, ça va être plus facile de gérer tout le cirque également qui autour de la traversée, se concentrer vraiment sur la course elle-même, être prête pour ça. Puis également, je pense pour elle avoir appris dans son année d'entraînement qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Alexandre disait qu'elle s'entraînait déjà beaucoup. Fait que c'est sûr que ce bagage-là va être là. Mais bon, je pense qu'il faut l'encourager, la supporter, puis je pense que pour elle, ce n'est que partie remise. OK. Donc, on va y aller maintenant avec le 10 km, le marathon de la relève, c'est-à-dire qui s'est déroulé cette semaine, 10 km FINA également. Il y a eu des performances quand même intéressantes pour Stéphanie Hornier et aussi Adrien Thériault, Alexandra Bougé et Gabriel Savard. Oui, effectivement, une belle course de 10 km finale. La traversée avait décidé cette année là, d'un peu de changer la date. Habituellement, c'était le jeudi. Là, ils ont fait ça sur le week-end d'avant. Stéphanie Honneur qui a fini quatrième, Gabrielle Savard, hein, qu'on connaît bien, fait quand même ça, une deuxième position pour elle en 2h13. Donc, ça va être très intéressant pour elle de voir. J'espère que Gabrielle pourra, bien sûr, poursuivre et peut-être faire un jour le 32 km. Je crois que c'est son objectif. Du côté des garçons, c'est un nageur de la Hongrie qui a remporté en 1h53.28. Du côté des Canadiens, Nicolas Matt Savard était le meilleur Canadien en sixième position. Et Danny, on parlait tout à l'heure de Samuel Matt. Samuel a fait également le 10 km final là, qui finit en septième position. Donc, c'était également une course chaudement disputée également là, du côté du 10 km final. Également, il y a eu une bonne participation là, au niveau du marathon de la relève là, entre Mastoyache et Robert Val. Et évidemment, j'ai hâte de voir Gabriel Savard l'année prochaine qui va être à son 10 km final. Donc, ça va être très, très. 32 km, c'est-à-dire, elle m'a dit qu'elle voulait faire son 32 km l'année prochaine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, évidemment. Tout à fait. Ben, moi, on a eu la chance de l'avoir évolué là, durant le 10 km final. C'est bien débrouillé, donc pour elle, là, ça devrait normalement, je pense que la progression a su une belle courbe de progression, fait que ça va être très intéressant de la voir là, l'an prochain. OK. Donc, ça fait le tour pour cette 65e traversée internationale de Saint-Jean qui s'est disputée dans des conditions vraiment idéales. Hein? Oui, un peu, idéal. C'est sûr que la température extérieure était extraordinaire. Je pense que les gens se rappellent déjà de la journée de samedi. Il faisait très, très chaud. Les nageurs, par exemple, ont eu peut-être un petit peu plus difficile qu'ils le pensaient parce qu'il y avait quand même un petit vent, une petite vague, un pied environ, un pied ou deux en provenance. Là, le vent soufflait du sud, c'est un vent qui était très, très chaud, mais provenance d'Alma. Donc, c'est très, très tannant pour les athlètes parce qu'ils l'ont eu là sur le côté gauche là tout le long de la course. Donc, c'était peut-être un petit peu plus embêtant parce que la rivière Péribonco de départ, là, c'était magnifique, c'était très, très calme. Fait qu'ils se sont fait peut-être jouer un petit peu un tour. Ils pensaient. Mais c'est vraiment ça la traversée. Hein. La première heure et quart dans la rivière n'est souvent pas très représentative de ce qui nous attend lorsqu'on franchit vraiment là, les eaux là, du lac Saint-Jean. Là. Il y a souvent une grande différence entre l'allure de la course dans la rivière et ce qu'on arrive dans le lac où là ça brasse souvent beaucoup plus. OK. Ben, gros merci Marc-André. Au plaisir de se parler puis on s'en reparle bientôt. Merci à toi. Marc-André Leclerc qui nous parlait de la 65e édition de la traversée internationale du lac Saint-Jean.